Le premier ministre coréen Park Bong-joo a inspecté le complexe sidérurgique Fangé. Il a fait le tour de divers endroits pour s'enquérir en détail de l'état de l'adaptation des processus de production à la réalité du pays et de sa modernisation et de la situation de la production des matériels en fer et en acier avant d'organiser une réunion consultative. On y a discuté des problèmes pour généraliser les succès et expériences obtenus par le complexe dans l'adaptation à la réalité du pays et produire par grandeur les barres d'acier pour les envoyer dans les chantiers de relèvement des régions sinistrées au nord du pays. Précédemment, le Premier ministre a visité l'Institut d'arboriculture fruitière de l'Académie des sciences agronomiques et discuté des mesures pour réaménager l'Institut.